Sur ce site, il y a une entreprise phare de l'agroalimentaire qui est l'entreprise Kermenet. Kermenet, c'est une filiale des centres Leclerc. Elle approvisionne ses magasins Leclerc en produits carnés. Donc, sur Collinet Saint-Jacques, il y a une surface de 150 hectares. C'est là que se trouvent les unités d'abattage, de désostage, une unité spécialisée dans les jambons de tous les différents types de jambon et quelques produits de charcuterie. Depuis une dizaine d'années, un certain nombre d'unités spécialisées ont été créées dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres autour de Kermenet. La présence de cette entreprise nous permet d'avoir un taux d'activité qui est bon. Le taux de chômage oscille entre 4, voire 7%, donc ce qui est relativement faible. On a aussi, et ça fait partie de nos faiblesses, même si ça s'est amélioré, on est à l'écart des quatre voies. On est entouré par des routes nationales qui sont à une dizaine de minutes du territoire. Mais le réseau routier s'est nettement amélioré depuis les années 2000. Donc, ce qui fait que nous ne sommes pas un territoire enclavé. Donc, comme je l'ai dit, on a une population qui progresse, mais une faible densité. Donc, on a beaucoup d'espace. Mais ce confort apparent masque une grande fragilité. Je passe à la suivante. Puisque on a peu de cadres, peu d'employés. Comme on est tête de bassin versant, on a des contraintes environnementales fortes. Et puis, il y a aussi une pression de l'agriculture. On passe à la suivante. Donc, c'est au niveau de la communauté de communes, depuis 2004, nous réfléchissons sur un projet économique. Donc, il s'appuyait sur nos ressources, puisque comme on est situé sur une île de Crète, on a du vent. On a aussi de la biomasse, compte tenu de notre modèle économique, une biomasse animale relativement importante avec le lisier. Il y a aussi la biomasse végétale. Le territoire, il y a en gros une vingtaine de pourcents de la surface qui est couverte par des bois, voire par des haies. Donc nous souhaitions diversifier notre tissu économique. Et puis, comme on a relativement peu de cadres, on souhaitait aussi renforcer la mixité et puis préserver le milieu. Et surtout, on s'est appuyé sur une dynamique associative du développement local qui a émergé il y a plus de 50 ans, voire 60 ans. Donc ça a commencé par les premiers centres éduques agricoles, les CETA, qui ont permis le développement agricole que l'on connaît, le mouvement coopératif. Ça a été relayé aussi au niveau des artisans commerçants avec les premiers groupements d'achat, les centres de gestion, et même chose au niveau des communautés de communes. Depuis les années 60, le Menet, c'est une terre de l'intercommunalité. Donc on a pratiquement 50 ans, voire un peu plus de pratiques de l'intercommunalité. Donc à partir de là, on a constaté qu'on avait une ressource. Donc on est allé voir comment certains territoires se sont mis dans cette valorisation de leur potentiel. Donc on a organisé depuis les années 2000, notamment, et c'est ce qui nous a permis, il y avait un projet d'agriculteur de créer une unité de méthanisation dès les années 99-2000. Donc il y a eu un certain nombre de voyages qui sont faits en Allemagne, au Danemark, au Benelux, et puis la communauté de communes à partir de 2004-2005. On est nous aussi allés voir des territoires qui nous semblaient symboles, comme Gussing en Autriche. On est allé en 2009 dans la Bavière, vers Straubing. Donc, on a commandé une étude. Et cette étude a montré qu'on avait une consommation d'environ 16 700 tonnes d'équivalent pétrole, et puis qui représentait à l'époque une dépense de 9 millions d'euros. Donc les différentes ressources, elles apparaissent, c'est celles qui ont été signalées, du bois, 20% de la surface, de la biomasse animale du vent, de la biomasse végétale aussi, et puis ensuite, il y avait aussi, compte tenu de notre culture, de la grande fibre associative, une volonté de s'unir, de travailler en commun et d'associer tout le monde, qu'on va retrouver dans beaucoup de projets. Donc, à partir de cette... un des objectifs était de produire de l'électricité, soit à partir de la méthanisation collective, voire méthanisation à la ferme, l'éolien, le solaire photovoltaïque. Il y avait aussi, à partir du bois, produire de la chaleur pour les réseaux de chaleur, soit des villages, soit de bourgs. Produire aussi de l'huile carburant. Et puis, un grand chantier qui concerne les économies dans le bâtiment. Et puis, on le verra dans les projets qui ont germé à partir des années 2009-2010, toute une thématique sur le bâti passif, voire à énergie positive. Donc, notre volonté, on le retrouve ici, c'est d'associer l'ensemble des partenaires. Donc, on a défini en 2006 un programme de 10 actions, des actions de production d'énergie. Donc, il y avait 6 projets qui intéressaient les entreprises. Il y avait la méthanisation, c'est le projet Géotexia que vous visiterez demain. Il y avait aussi l'éolien, donc tout à l'heure vous allez voir la ligne de crête. Il y avait aussi une centrale industrielle de chaleur. Il y avait le projet de production à partir de la biomasse végétale d'huile carburant. Ça, c'est les principaux projets. Il y avait toute une thématique, deux thèmes qui relevaient la communauté de communes. C'est créer des infrastructures et d'être démonstratif pour entraîner une adhésion des populations. Ce sont les réseaux de chaleur, réseaux de chaleur bois, avec chaufferie, comme vous avez vu. Et on a pu démarrer avec un exemple d'un réseau de village où c'est un agriculteur lui-même que vous verrez. C'est lui qui vous fera la présentation de Géotexia à Saint-Gilles. C'est lui qui a installé le premier réseau de chaleur sur les côtes, enfin sur deux villages, sur les Côtes d'Armor. Donc nous allons rentrer maintenant dans les différentes thématiques. Donc il y a la thématique bois. Donc au départ, dans les années 2005-2006, il y a des études qui ont été faites sur l'état des lieux de la ressource bois-énergie. Donc on s'est aperçu que les haies, même si elles disparaissaient, représentaient quand même l'équivalent de 950 hectares. D'autre part, dans le cadre de la problématique eau, il y a eu la plantation de haies, donc 17 km ont été replantés. Et puis, il y a eu quelques agriculteurs qui ont été les promoteurs, qui ont installé de la plaquette. Donc, dans les années 2006-2007, ça a été les premières phases de broyage de plaquettes pour alimenter les chaudières, qui étaient bien souvent des chaudières individuelles. Dans le cas de l'état des lieux, on s'est aperçu que le gisement forestier qui avait été mis en place dans les années 70 pouvait livrer des ressources relativement importantes. Sur la commune du Goret, qui fait 3050 hectares, il y avait 850 hectares de bois qui devraient être utilisables, ou qu'on peut utiliser de maintenant jusqu'à une vingtaine d'années. Donc en 2009, il y a deux chaufferies avec réseau de chaleur qui ont été mises en place, une sur le Gouret que vous avez visité et celle de Saint-Guénaud. Et aujourd'hui, nous sommes ce mouvement entre depuis 2007-2008 a un peu stagné, mais les installations, les réalisations ont permis de sensibiliser et ont convaincu d'autres collègues, puisque l'objectif qu'on s'est fixé au niveau de notre projet, c'est que dans chaque commune, il y ait un réseau de chaleur. Donc aujourd'hui, ce qui est acquis, Saint-Jacut-du-Menay aura son réseau de chaleur opérationnel en 2011. Donc dans un an, il sera opérationnel. Sur Plessala, ça doit être plausible. Si ce n'est pas 2011, ce sera 2012. Et sur Langon-là, ils sont en phase d'étude. Donc dans tous nos raisonnements, on essaye d'une part d'associer tout le monde et puis de raisonner à long terme. Donc on a, dans le cadre du pôle d'excellence rurale qu'on a obtenu au mois de juin dernier, donc on a un de nos projets qui consiste à planter une trentaine d'hectares de saules. Donc ce qu'il faut savoir, vous le verrez peut-être dans le cadre de Geotexia, il y a aussi 7 hectares de saules de plantés et qui ont peut-être été récoltés puisqu'ils devaient être récoltés. Donc apparemment, c'est aujourd'hui que la récolte des saules a été faite. Donc on doit travailler aussi toujours sur le bois, sur le développement des usages privés, puisque dans les villages, hormis un village de Plessala, c'est le seul village qui a son réseau de chaleur. Donc ce qu'on avait pu constater à Gucines ou dans des petits villages près de Gucines, ce sont des systèmes qui marchent et c'est des systèmes que peuvent s'approprier des groupements de bonne volonté dans différents villages. Donc on travaille aussi sur la structuration de l'offre de plaquettes avec la mise en place du réseau de chaleur de Saint-Jacut. On a une réflexion, toujours dans le cadre du pôle d'excellence rurale, de créer une plateforme bois. Donc on aura une nouvelle plateforme bois. Qui sera complémentaire des zones, mais qui aura beaucoup plus d'importance et qui permettra de fournir les différents autres réseaux qui seront constitués. Et puis on va continuer enfin, continuer de voir si on ne peut pas avoir des villages où ça se réalise. L'autre ressource importante, c'est l'éolien. Donc il y a des études ZDE ce sont des zones de développement éolien qui ont été faites dans le cas du pays, qui datent de 2004-2005. On est en relation, comme on connaît bien le groupe IDEX, donc on a développé un partenariat avec le groupe IDEX pour mettre en place un projet éolien. Et l'intérêt de ce projet éolien, c'est un projet participatif. Dans un premier temps, il y a 30 habitants de la communauté de communes qui sont regroupés, qui ont créé un club d'investissement. C'est une CIGAL, club d'investissement de gestion alternative et d'épargne solidaire, et qui ont investi 30% du capital social de cette société. Et parallèlement à ça, il y a d'autres CIGAL qui se sont créées dans d'autres villages. Donc aujourd'hui, il y a des CIGAL, enfin, c'est dans 4 communes. Donc aujourd'hui, nous avons 120 à 130 personnes qui sont prêtes à investir dans ce projet Citéol. Donc aujourd'hui, nous sommes au stade de permis de se construire. C'est un projet qui va suivre la ligne de crête. Donc l'investissement qu'on devait apporter, nos 30% de capital social, c'était 4 500 euros, 450 000 euros. Donc nous l'avons, ce n'est qu'en promesse, on pourra le dire, mais aujourd'hui, la promesse de don est de 533 000 euros. Donc, ça veut dire que le participatif éolien, ça peut se mettre en place. C'est peut-être lent, c'est peut-être peu incitatif pour les entreprises privées, mais nous, c'était une des conditions pour que les retombées restent au niveau local. Donc, ce projet, aujourd'hui, on est à la phase. On est à la phase au niveau de la direction de l'équipe, enfin ex-équipement DTM, justement c'est la phase avant permis de construire. Mais c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc on pense qu'il sera réalisé pour la fin 2011. Et ensuite, en 2012, il y a des projets qui sont en cours et qui devraient avancer, on l'espère, plus rapidement. Donc il y a de nouveaux projets. Et puis, nos thèmes de travail, ce sont les petites éoliennes, voire peut-être un autre projet éolien en maillant un peu plus la ligne de crête. Donc c'est une de nos grandes sources. Donc là, on revient à l'historique de notre démarche. C'est la valorisation de la biomasse animale. Donc, comme il a été dit, ça remonte à 1999. Donc, au niveau de l'usine de méthanisation, qui est l'usine de méthanisation que vous allez voir, c'est demain. Donc, vous verrez, c'est une usine flambant neuve qui a commencé à remplir ses cuves de méthanisation. Donc, le projet, c'est un projet qui a été monté par une association, par une CUMA, une association menée initiative rurale. C'est un groupe dans lequel il y a un groupe de 34 agriculteurs qui se sont engagés en 1999 à ne pas augmenter leur cheptel. Et sur les 34, il y en a 30 qui ont mené à bien qui ont eu cette volonté de continuer, puisque aujourd'hui, dans le capital social de Geotexia, ils y sont. Donc, ce projet a beaucoup traîné, mais on arrive au bout. Donc, ce projet de Geotexia permettra de valoriser 35 000 tonnes de lisier, 40 000 tonnes de coproduits, dont une partie viendra aussi de l'entreprise Kermené. Et à partir de là, il y aura production d'électricité. Donc, c'est environ 15 000 gigawatts, si j'ai bonne mémoire. Et en même temps, 15 gigawatt-heure. Donc, c'est en même temps, comme c'est un mélange de lisier et de coproduits agricoles, il y a un produit solide qui va être asséché et qui sera transformé, puisqu'il contient beaucoup d'engrais, beaucoup de minéraux. Il sera commercialisé dans des jardineries. En 2007, un autre groupe d'agriculteurs, qui était au départ en gros 35, ont mis en place une huilerie. Donc, vous avez ici la photo, vous la visiterez aussi demain matin. Donc, c'est une unité qui peut travailler 24 heures sur 24, qui transforme le colza en huile et qui produit aussi du tourteau. Donc aujourd'hui, il y a 65 agriculteurs qui adhèrent à Ménergol. L'unité traite 500 hectares de colza. Et à certains moments, il y a aussi des prestataires extérieurs qui sont intéressés, puisque le tourteau de colza est aussi très recherché, notamment pour l'aliment poisson. Non, tu retournes. Retourne. Donc, en Bretagne, il y a aussi du soleil. Donc, depuis les années 2005-2006, il y avait quand même un certain nombre de réalisations de panneaux photovoltaïques chez des particuliers. C'est des projets de petite dimension. Et puis en 2008, c'est encore Dominique Rocabois qui, le premier, a étendu la surface de toiture photovoltaïque avec un projet de 130 mètres carrés. Donc, après, ce sont les collectivités qui sont impliquées dans cette démarche. Donc, Le Gourec, que vous avez visité, et Saguenay, qui a le même type d'installation. Il y a aussi des panneaux qui ont été installés sur l'école de Plessala. Il y a d'autres réalisations sur les bâtiments que l'on construit, collectifs que l'on construit. Bien souvent, des mètres carrés de panneaux photovoltaïques sont associés. Nous avons aussi mis un groupement d'achat pour permettre à d'autres personnes d'investir dans des projets photovoltaïques, ce qui a permis de réaliser des installations, notamment dans le monde agricole. Donc pour les années à venir, on a toute une thématique de travail sur le solaire thermique, notamment avec notre programme qu'on a aussi inscrit dans notre pôle d'excellence rurale sur l'habitat positif ou et puis on va aussi regarder, on est tout attentif puisqu'il y a une course de vitesse ou entre baisse des prix du photovoltaïque et puis le prix de rachat. Donc on regarde sur les nouveaux procédés, notamment les couches minces, pour investir d'une manière un peu plus forte. Mais le soleil ne représentera dans notre production énergétique qu'une faible partie. Donc depuis 2008, même si on ne l'avait pas inscrit, on a travaillé aussi sur toutes les économies d'énergie. Donc, on a considéré que c'était les collectivités qui devaient imprégner et montrer la direction. Donc, on a aménagé des lotissements avec faible impact énergétique et environnemental dans le cadre d'appels à projets, notamment de la région, voire du département. Et puis, parallèlement à ça, depuis notamment la création d'un emploi en conseiller en énergie partagée, une analyse des consommations a été faite sur les différents bâtiments publics. Et puis, certaines communes se sont lancées dans des renouvellements dans des campagnes d'isolation, de renouvellement de certaines sources d'éclairage, notamment au niveau du réseau électrique. Donc, en 2008, on a été aussi intéressé par le pass foncier. Donc, on l'avait mis en place une clause d'éco-conditionnalité. Si les jeunes candidats à l'accession, optaient pour le pass foncier, on leur versait entre 3 000 et 4 000 euros de subvention s'ils respectaient un certain nombre de critères qu'on avait mis. Donc, c'était essentiellement basé sur une réduction de leur consommation énergétique. Et puis, à partir de 2011-2012, on retrouve nos grands chantiers qui nous permettront de faire des économies d'énergie, puisque l'énergie chauffage représente en gros 30% de nos consommations. Donc, il y a d'une part un parc de logements passifs, donc qui est accessible au pôle d'excellence rurale. Donc, nous, on travaille sur une filière maçonnée. Donc, on veut promouvoir notre réseau d'artisans. Et parallèlement à ça, on veut généraliser pour que le maximum des habitants de nos communes aussi se lancent aussi dans les travaux de rénovation de leurs bâtiments et notamment de réduction de leur consommation d'énergie. Donc l'autre aspect, ça revenait aux collectivités, c'est le développement économique. Donc, vous avez visité à la fois la zone d'activité, vous êtes passé sur cette zone, et puis vous avez visité la pépinière d'entreprise. Donc, c'est un bâtiment qui est réellement BBC. Donc, on a fait un test de bleu d'œuf de pénétration de l'air. Donc, le critère, il est sorti à 35, donc ce qui est une bonne performance. Et même au mois de février, quand il gelait, on a pu tenir des réunions alors que tout n'était pas terminé. Et de 8 h à 10 h 30, c'était correct. Après, ça commençait peut-être à baisser, mais c'était largement supportable. Donc, ce qui veut dire que le bâtiment, aujourd'hui, en utilisant des technologies qui ne sont pas révolutionnaires, en assemblant des différentes technologies, on peut avoir déjà de bonnes performances. Donc, je suppose, Marc en a parlé. Bon, donc on a aujourd'hui un certain nombre, 4 entreprises qui sont là. Donc ici, c'est une présentation globale de notre démarche. Notre démarche, ce n'est pas seulement l'exemplarité des communes, c'est d'associer le plus possible de particuliers, d'associations, d'agriculteurs, d'artisans, de professionnels. Et parfois, certaines, notamment dans le monde agricole, ils sont aussi, ils montrent l'exemple puisque ça a été, je l'ai dit tout à l'heure, ça a été aussi des pionniers de cette démarche de recherche de nouvelles orientations pour améliorer les revenus. Donc on constate aussi que il y a de nombreux sites de production photovoltaïque, de même un peu de solaire thermique. Et puis on revoit aussi qu'il y a 120 familles sont impliquées dans le club d'investissement aujourd'hui. Donc en 2011, comme on est lauréat du pôle d'excellence rurale, donc on a un grand rendez-vous avec la population, c'est l'équilibrer les consommations. Donc on a environ un peu plus de 3 000 foyers. Donc notre objectif, c'est faire en sorte qu'au moins 1 000 familles intègrent cette démarche de réduire leur consommation en produits de pointe pour effacer pour contribuer à effacer les points de consommation. Et le modèle qu'on va mettre en place, c'est un modèle, il y a un compteur qui va être mis en place et ce type de compteur permettra aussi on a l'intention de demander une participation, mais faire en sorte que chaque abonné puisse avoir un retour sur investissement de quelques années, de montrer un peu ce qu'est la démarche économique, de manière à peut-être augmenter l'impact qu'on peut avoir sur l'isolation des bâtiments. Ça doit avoir aussi un effet un peu démonstratif sur un raisonnement sur la durée. Donc la communauté de communes s'engage aussi dans un programme, c'est 5 maisons par commune, donc au maximum c'est 35. Il y en aura peut-être moins. Et puis, on initie aussi un événementiel. Donc, vous êtes tous conviés à vous retrouver ici, pour ceux qui peuvent ou ceux qui veulent, le 15, 16 et le 17 juin. Donc, il y aura un événementiel sur énergie et territoire, comment un territoire peut mobiliser son potentiel, mobiliser ses habitants et pour en faire un modèle de développement qui soit profitable à la fois aux habitants et qui permette aussi de réduire l'empreinte écologique. Et d'autre part, il y aura aussi relativement bas. Donc ce qu'on opérationnel. On a les bois-bûches qui restent, il y a 1 000 foyers agréments. 2012, les nouvelles communes, d'autres particuliers, donc on doit l'huile carburant, aujourd'hui on est à 4,5, donc il y a encore. Géotexia va couvrir 15 gigawattheures. Le photovoltaïque qu'on a, c'est plus de 1 000, enfin peut-être 2 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Et puis on a aussi l'économie dans l'habitat, à la fois au niveau des collectivités, et puis on le trouve aussi chez les particuliers, bien qu'on n'ait pas encore lancé. Donc on peut estimer quand le parc éolien sera mis en place, et quand Geotexia sera mise en place, on sera à 24%. Donc si on enlève ça, vous voyez, on doit être à 10, 12, à 10% peut-être. Donc la marche est longue pour arriver jusqu'à 2020. Donc on vous a situé une hypothèse 2020 pour montrer que atteindre les 5%, ce n'est pas évident, mais il y a peut-être moyen, mais on a supposé qu'il y avait 4 projets éoliens, puisque nous avons aussi une grosse contrainte. On a une hauteur de mât qui ne dépasse pas 90 mètres. C'est une zone de passage de l'armée. Donc c'est une de nos faiblesses. C'est hors tout, hein. Oui, c'est hors tout. 60 Oui. de mât. 60 de mât. Et 90 au total avec la pale. Donc ça limite, puisque nos éoliennes ne dépassent pas, c'est 0,8 maximum 1. Donc on ne peut pas avoir aujourd'hui d'éoliennes à 3 mégawatts. L'huile carburant, donc il y a des possibilités. Quand on a fait l'étude, on considérait que la production d'énergie pouvait représenter aux alentours de 8, voire 10% de la surface agricole. Donc on est encore très très loin. Le biogaz, c'est pareil. Donc le premier projet, c'est 15. Si on pense pouvoir développer des projets au niveau de certains agriculteurs, donc on devrait atteindre les 25 sans trop de difficultés. Il retourne sur l'autre. Il veut plus? Bon. Si, si, t'es bon.